Nec Kripka, bientôt violet comme Milka. Jordi les stats pour mille cracks. Nous toute la journée, négro on fume comme des sapeurs. Purple OG et master, fraîche au microphone comme des pasteurs. On veut des chargeurs, grande capacité comme à Chicago. Orléans tatoué comme à Chicano. Katerm, Gen CZ comme Cristiano. Katerm, j'arrive Faya. Pas de Versace que du Paris Maya. Des stats, j'ai le flow d'un sous-marin. Noir et ton grand comme une flotte de capo. Bientôt Jordi prend un 100K. Je vois vos rappeurs comme des 100K. NRM, Crip, Crip, tes langages. Dark Chain, Senior, 6 degrés 34. Nul, c'est négro en sacrifice. Négro, j'ai flow, holocauste. Divino, merde, en un DSOGFG 520 jaune d'holocauste. Furtif, sans stress, je m'infiltre. Comme un agent du Mossad. À ma Bitcoin dans tes tarossa. Ils font scar, je me sens comme Sosa. Ramouflé dans l'ombre négro. Animal noir dans l'ombre négro. On arrive en l'ombre négro. Retourne cette merde, font comme ton négro. À la recherche de l'or comme un alchimiste. Direction sommet comme un alpiniste. Dans le fil de l'air, c'est ce d'Alcizim. Dans le braquin avec les Black Vikings. Faya Olin, pilote vaisseau. Si c'est la TDO sur les sauts. Qui capte pas, je produis comme. S'il y avait plus de réseau, gardez-en. MMS, LDO, 7, NRM, 2014. Chapeau 667, lissé comme des kippas. Ligue des ombres, charade à la sec, charade à l'équipage. NRM 2014, MMS, Negro Mommy Squad. Comme un nazi, je fais des Mercedes. Killuminati comme Rocking Squad. Quand à 21 ans, je commence mon testament. Je me sens comme Mayer Rothschild. SO, Cyrus Jack, Zombie Squad. Dans la mort, chill. Défracté, souligne, oui, j'écris même quand je dors. SO à tous mes manches morts. Nec France car avec pouvoir comme. On est des prototypes ou des cobayes. On finira en Bentley en Logan. Toujours zoom zoom pour faire nos boys. Dans sa chiquée on vous la vaut Michael Calmes. Dans sa chie on fait ça sans stress. Zoom pour rappeur comme des sans S. Quel dépôt bat-il l'empire néo-nègre. Bitcoin en caisse hein. Nouveau rap mondial 6-6 quoi négro dans le rap clan d'Iran. Comme des destructions massives comme en Iran. Femme de radium quand j'écoute leur sens à sang qui manque. God damn, j'm'élève. Cette attaque céleste, je mets des cérémonies, vous êtes élèves. Je veux du cash, faut qu'être célèbre. Gardez en MMS, LDO, 7, NRM, 2014, Khalis, Lopito, Sprite Sale, MMS, LDO, 667, NRM. Squash it, MMS, LDO, 667, NRM, 2014, Khalis, Khalis, Salam, Shenzhen, dans le ciel, c'est des chemtrails. Je me sens comme Denzel, Vive Delhi, j'adore comme Phoenix. René, je me sens comme un Phoenix.